بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، c'est notre cinquième rencontre dans l'étude de cette risala du Cheikh Abu Ghalib Abdullah bin Mohammed Somali Hafidhahullah Ta'ala du Yémen, dont le titre est « Attirer l'attention de ceux qui sont doués de raison, comme quoi il est interdit d'étudier chez les gens de l'innovation et du doute ». Nous avons vu 11 chapitres. Le premier chapitre, Hafidhahullah Ta'ala, il l'a intitulé « Les preuves du livre d'Allah » et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, sur le fait qu'il est interdit d'étudier chez les gens de l'innovation. Le deuxième chapitre, il lui a donné le titre comme quoi les gens de l'innovation ce sont des prêcheurs sur les portes de l'enfer. Il a ramené des preuves. Et aussi que le troisième chapitre, c'est que les égarés et ceux qui sont, ils ont égaré vont leur reprocher le jour de la résurrection. Ceux qui se sont fait égarer par certains, ils vont se le reprocher les uns les autres le jour de la résurrection, le jour où ça ne servira à rien. Aussi, le quatrième chapitre, où il a montré que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, nous a avertis contre les gens de l'innovation. Et il a attiré notre attention, nous l'a prouvé par le Coran, dans la parole d'Allah et l'authentique de la Sunna, que ce sont des gens qui suivent ce qui est confus dans le Coran et dans les textes. Aussi, le cinquième chapitre, c'est le châtiment que doit donner le gouverneur aux gens de l'innovation et aux prêcheurs. Et ceci, le fait, c'est le châtiment qui découle, que doit donner le gouverneur, ça c'est le gouverneur qui le donne. Soit il les fait exiler, soit pour certains ils méritent la sentence de la mort, il les tue. Mais ceci c'est un devoir et c'est une fonction du gouverneur. Aussi nous avons vu le sixième chapitre qu'il est interdit d'augmenter le nombre des gens de la fitna, parce que les innovateurs c'est des gens de la fitna. Nous avons vu aussi le septième chapitre, c'est qu'il est obligatoire d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Et le huitième chapitre, c'est que celui, le châtiment, il arrive, quand il arrive, il va, dedans va être inclus celui qui fait ou celui qui ne fait pas. Celui qui est dans le mal et celui qui ne l'est pas, quand le châtiment il arrive, il les englobe tous les deux. Ouais, comme ça. Nous avons vu le neuvième chapitre, c'est le châtiment est énorme pour quelqu'un qui avertit les gens contre le mal et lui il fait ce mal. Hein? T'arrives à certains, il te dit tu n'étudies pas chez tel, etc. Et lui il va. Ou là il envoie ses enfants. Le dixième chapitre était que c'est que Cheikh nous a montré par les preuves comme quoi les cœurs des serviteurs sont entre les doigts, entre deux doigts, des doigts de Clément Azza wa Jal, il les tourne comme il veut. Le onzième chapitre, le dernier que nous avons vu hier, c'est que l'une des causes, la cause qui a fait descendre notre père Adam du paradis, Hein? C'est justement d'avoir écouté Shaitan. Quand tu lui as embelli la situation, hein? Mange de cet arbre, tu vas être éternel. Hein? Fa, ikhwat al-Islam, هذا الموضوع وهو الدراسة عند من تحريم الدراسة عند أهل الأهواء والبدع موضوع خطير جدا ومهم جدا. Ce sujet, frère en Allah Azza wa Jal, qui est le fait de ne pas étudier chez les gens de l'innovation et de s'en éloigner, c'est quelque chose de très dangereux. Et c'est un sujet qui est très important. لأنك إذا قلبت بصرك شرقا وغربا رأيت دعاة الشبهات يضربون بقوة لإيقاع أهل الحق ومتبعي الحق فيما هم عليه من انحراف. Parce que quand tu jettes ton regard à droite, à gauche, à l'est, à l'ouest, tu vois que les gens qui sont dans l'égarement utilisent toute leur force et toute la puissance qu'ils ont pour faire tomber les gens de la vérité et la jeunesse de la vérité dans le fond dans lequel ils sont. فالأمر خطير جدا أخي الإسلام وتحت هذا الموضوع تدخل أمور مهمة. أنت سمعت الأبواب التي بوب بها الشيخ أمور مهمة في الاعتقاد في الولاء والبراء في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر في التواصي بالحق والتواصي بالصبر وغيرها من الأمور المهمة في ديننا. الله عز وجل la situation est très grave, faut pas croire. Et le sujet est énorme et très important. On voit que selon les chapitres que nous avons vus jusqu'à maintenant, rentrent dans ce sujet des problèmes qui concernent les croyances, qui concernent l'alliance et le désaveu, qui concernent le fait de se conseiller mutuellement la vérité et se conseiller mutuellement la patience, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal et ainsi de suite. Fatarawna amamakum katrat an-nahiqin wal-mutashaddiqin wal-mutafaqihin وجهودهم لصرف أهل الحق من الحق. Et vous voyez devant vous, hein, ces beaux parleurs, ceux qui sont dans le faux, quels moyens ils utilisent et quel langage ils utilisent pour détourner les gens de la vérité. فلنتنبأ إخوة الإسلام ولا نغتر ولا نجبن ولا نضعف ونتمسك بالحق الذي نحن عليه إن شاء الله ولا نحيد عنه ولا نحيد عنه. فإن الله عز وجل il faut être vigilant et être éveillé. Il faut pas être imbu de soi, ni se faire avoir par les beaux parleurs, ni avoir des faiblesses et faiblir. Mais nous devons nous cramponner à la vérité sur laquelle nous sommes inshallah et nous ne devons pas dévier de cette vérité et s'y cramponner fortement. والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا تظهر السنة في مكان ويقوى أهلها إلا وضعفت البدعة أو كادت تختفي وكلما ضعفت السنة وضعف حملتها وضعفها طبعا يكون بضعف حملتها قويت البدعة. Et la situation, comme il a décrit Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il a dit la sunna va être apparente dans un endroit quand les gens de la sunna sont forts. Hein? Ceux qui portent la sunna sont forts, donc la sunna va apparaître. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va arriver? L'innovation va faiblir. Ou là, il va presque disparaître. Et quand la sunna va être faible dans un endroit, et quand les gens qui portent la sunna sont faibles, et naturellement la faiblesse de la sunna, il vient par ceux qui la portent. Ben dans ces cas-là, c'est le bid'a qui se renforce. Vous voulez que je vous fasse un dessin autour de vous sur un. Prenez juste Nice. Pourquoi l'innovation est forte? Hein? Simple, tu n'as pas besoin de dessin. C'est-à-dire cette parole qu'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, tu peux la claquer dans toutes les régions où tu es. Hein? Simple. Donc les paroles de nos puissants sont véridiques. Parce que la source de ces paroles sont le livre d'Allah, l'authentique de la Sunna, avec la compréhension et la voix du puiseur d'Allah. فَيَا لَا غُرْبَةَ الْإِسْلَامِ وَغُرْبَةَ حَمَلَةِ الْحَقِّ وَدُعَاتِ الْحَقِّ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Il n'y a aucun doute que l'islam est étranger maintenant, comme il a décrété le Rasoul dans un hadith. Et que ceux qui portent l'islam véridique, ils se comprennent à la sunna, sont des étrangers partout. Hein? Et les prêcheurs de la vérité sont des étrangers. Mais le problème, cette étrangeté doit exister parce que ainsi l'a annoncé le Rasoul. Le problème, c'est que tu faiblis pas, tu te sens tout seul et tu faiblis. Et que tu dis, ah, je dois être comme les autres. Pourquoi je fais autrement que les autres? C'est là le hic. C'est là où tu dois te renforcer. Si tu connais ce qu'il t'a annoncé le Rasoul, hein, tu dois te cramponner fortement encore à ce chemin. Et tu ne dois pas te faire avoir par la masse. La masse et le nombre, ça n'a jamais été une preuve de la vérité. Abadan, la vérité reste la vérité. Même s'il y a une seule personne qui la porte, c'est la vérité. Hein? Et le nombre n'a jamais été. Hein? Enfin, il faut faire très attention à ça. ومما لا شك في ان هذه التخبطات التي تراها اليوم عند الاخوه وفي ميدان الدعوه ناتجه عن مفاهيم غير ناضجه وعن مفاهيم تريد تهميش فهم السلف رضوان الله عليهم. Il n'y a aucun doute que cette situation dans laquelle pataugent certains maintenant, et que tu vois chez certains de nos frères, et sur certains prêcheurs, etc., ceci c'est le résultat, hein, de certaines compréhensions qui ne sont pas mûres, et certaines compréhensions et tendances qui veulent marginaliser la compréhension des puiseurs d'Allah alayhim. Hein? وفي هذا الصدد أي في صدد التخبطات يقول أهل إمام أهل السنة وحامل لواء الجرح والتعديل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى et concernant le fait de patauger dans ce sens là الشيخ ربيع حفظه الله تعالى il attire l'attention dans certains de ses paroles. Vous pouvez trouver sur Sahab, dans la 12e partie de ses fatawa, il dit Havid Allah Ta'ala. Hada l'amr, et amr takhbut, laisse bi jadid, fa inna ru'usa ou quroun al bid'a qad barazat min awakhir ahdi sahabati ridwanullah alayhim. Wa stamarrat bi shaklin mukattafin ila yawmi hada, fa laisse bi gharib. Il dit, Habdallah Ta'ala, dans ce sens-là, concernant cette situation n'est pas nouvelle. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Car les têtes de l'innovation ont apparu à la fin de l'époque des compagnons du Prophète, alayhi salam. Et ils ont traversé les siècles. Les têtes de l'innovation et les gens de l'innovation, etc., jusqu'à nos jours. Et ceci, il n'y a rien d'étrange là-dedans. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. إيه إلى ذي الرسول صلى الله عليه وسلم nous a cité que cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous en enfer sauf une seule, le groupe. Ce terme le groupe, il a sa définition dans un autre hadith qui explique celui-là. Ce groupe-là, cette jama'a, porte un titre. Sa définition, c'est quoi? Ma ana alayhi liyawma wa ashabi. La voie sur laquelle je suis, moi et mes compagnons. C'est ça le groupe. Le groupe, c'est pas un ensemble de personnes qui se réunissent. Abadan. Le groupe, c'est une compréhension qui est la compréhension des puiseurs d'Allah alim. Ça, c'est le groupe. Hein? Et que ne s'immisce pas dans ta tête les ambiguïtés de ceux qui aient les ambiguïtés avec ce hadith, vous rendez mécréant toute la communauté de Mohammed. Abadan, c'est Mohammed qui a dit ce hadith. Et qui te dit qu'on rend mécréant toute la communauté de Mohammed alayhi sallam avec ce hadith? Les hommes de science ont interprété ce hadith. Parmi ces 72 groupes qui sont voués au feu de l'enfer, il y a parmi eux certains dont l'innovation ou dont la divergence avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam va être des domaines de la mécréance. Donc cela, hein, c'est le hukm des mécréants. Il y a d'autres dont l'innovation et la divergence avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas des domaines de la mécréance. Donc cela sont sur le machia. Si Allah il veut les châtier, ça sera justice accomplie min Allah. Et si Allah il veut leur pardonner, ça sera clémence min Allah azza wa jalla. Et on arrête les ambiguïtés ici. Hein? Tu ne te fasses pas avoir à l'islam. يقول الشيخ حفظه الله فهذه الفرق كلها يتبين ضللها بعرضها على هذا المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. لا فرق بين قديم وحديث. يقول حفظه الله تعالى ces groupes, leur égarement va apparaître, il va devenir clair devant toi quand tu exposes ces groupes à la voie du puiseur d'Allah, à la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salam et ses nobles compagnons. Il n'y a pas de différence entre les anciennes tendances et les nouvelles tendances. La même chose, tu les ramènes, tu les exposes à la voie de ton prophète alayhi salam et la voie du puiseur d'Allah, et là va apparaître celui qui est sur le vrai, celui qui est dans l'égarement. Hein? وبعرض أفكارهم وعقائدهم وأقوالهم ومواقفهم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح يتبين ضلالهم فيعرفون ثم يحذر منهم كما فعل أسلافنا بأمثالهم فنسأل الله السلامة والعافية إلى حفظ الله تعالى en exposant leurs pensées, leurs croyances, leurs paroles, leurs positions au livre d'Allah et à la sunna du prophète et à la voix du puiseur d'Allah va devenir clair devant nous leurs égarements. Ils vont être connus. Et dans ces cas-là, on avertit contre eux comme l'ont fait nos puiseurs d'Allah. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Yaqul hada wa ma min dallin illa wa huwa yuridu an yuhammisha manhaj as-salaf. Dit, chaque égaré, il veut mettre de côté, il marginaliser la voie du puiseur d'Allah. Et tu essayes, avec n'importe, qu'il soit Tbligh, qu'il soit Ikhwan, qu'il soit Habashi, qu'il soit n'importe où, ramène-le. Il va te dire, moi je fais partie des gens de la Sunna et des gens de la Sunna ou le Jama'a. Oui, et je mets le Coran en application et la Sunna. Maintenant, d'accord, on est d'accord, jusqu'à là on est d'accord. Maintenant, tu le mets avec quelle compréhension? Et c'est là le hic. C'est là, il va se sauver comme une yongi. Parce qu'il sait où tu veux en venir. Parce qu'il sait que tu vas le ramener vers un endroit qui est étroit, qui doit le mettre dans ses limites, à droite une limite et à gauche une limite. La compréhension du plusieurs dans l'âme. Et là, il s'éclipse. Il commence à philosopher, à disserter, hein, et il commence à divaguer. Hein? Et c'est là où il faut faire très attention à l'islam. Fais pas, oui, tu entends, la sha'ir, elle te dit, un sha'ir va te dire, je suis le sunna ou le jama'a, le habashi, il te le dit, etc. Tout le monde le dit. D'accord. Mais avec quelle compréhension vous prenez ce livre et cette sunna? C'est là la différence. C'est là la particularité. Et c'est ce qui fait la différence. Parce que chacun, Hada, il va, l'Ikhwan va te ramener ses interprétations politiques. Le Habashi va te mélanger tout ça. Politique, mystique, libertinage, hein? Tbliri, tourisme, globe-trotteur, Sophie, tout ce que tu veux. Hein? Chacun. L'autre, tendance Khawarij. Le sang, il n'y a que le coteau, il n'y a que à égorger les gens. Chacun va te ramener sa tendance et sa compréhension. Mais la plus noble, la plus sûre des compréhensions, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire de suivre. C'est celle sur laquelle était Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons d'Allah alayhi. Yaqulu al-Sheikh, ma ya'ti dallun min al-Jahmiya wal-Mu'tazila والخوارج وغيرهم إلا وهو يريد أن يضرب بفهم السلف عرض الحائط ويعرض عن سبيل المؤمنين عمدا ليهرع الناس إلى سبيله الضال، كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عندما لما قرأ هذه الآية وقال أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم خط خطا ثم قال هذا صراط ربك مستقيما، ثم خط عن يمينه عن يمين هذا الخط وعن شماله خطوطا وقال على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إيه الشيخ دنودي حفظه الله تعالى، chaque égaré qui va arriver, qu'il soit Jahmi, Mu'tazili, Khariji ou autre, chacun d'eux va marginaliser, mettre de côté la voie d'il salaf et la compréhension d'il salaf. Il va la plaquer contre le mur. Il va donner à la voie, le dos à la voie des croyants. Si la voie des croyants, ça veut dire la voie des compagnons, le dos Allah alayhi, mais de ceux qui les suivent à la perfection. Exprès. Pour que les gens suivent son chemin de l'égarement. Ils le suivent dans la voie que lui a instaurée. Hein? Comme il a dit dans Rasulullah sallam quand il a récité ce verset, ça c'est ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les autres chemins qui vont vous égarer du chemin d'Allah. Et Rasulullah sallam a tracé aux compagnons entrés, il leur a dit ça, c'est la voie droite, c'est la voie d'Allah. Et à côté, à droite et à gauche de ce chemin, il a tracé plein de traits, il a dit ça, ce sont des chemins. Et à la tête de chaque chemin, il y a un shaitan qui appelle. يقول حفظه الله فالشياطين دعاة للباطل من وقت مبكر وسيستمرون على هذا إلى يوم القيامة. Il dit, حفظه الله تعالى, الشياطين, ce sont des prêcheurs qui appellent vers le faux depuis longtemps. Ils vont rester constamment sur cette voie-là, appelée vers le faux, jusqu'au jour de la résurrection. يقول وما على من وفقه الله لاتباع منهج السلف إلا أن يعتز به ويثبت عليه ويحدد من أهل الطرق الضالة المنحرفة من سابقين ولاحقين. Et il dit حفظه الله تعالى, quant à celui que Allah subhanahu wa ta'ala a accompli sur la voie de plusieurs, wallah alayhim. Et il a fait de lui, il l'a comblé du fait de suivre la voie des plusieurs, il doit avoir la fierté et de rester ferme sur cette voie-là. Et d'avertir contre eux les gens de l'innovation. Et ceux qui ont dit, que ce soit les anciens, ou ce soit les nouveaux, ceux qui vont arriver. يقول ومن لاحقون إلا رواة للسابقين. Quant aux contemporains, ils ne transmettent que ce que leur ont légué les anciens. ونعوذ بالله من فتنتهم جميعا. Et الله سبحانه وتعالى nous préserve de leurs fitnah tous. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والسنة والهدى وأن يسدد خطانا جميعا إن ربنا سميع الدعاء. Ah, il a s'arrêté là ce que je voulais comme témoignage dans les paroles du Cheikh Rabi Hafidah Allah Ta'ala. Maintenant avec le 12e chapitre dans notre Risala, l'interdiction d'étudier chez les gens de l'innovation. يقول الشيخ حفظه الله باب من أسباب موت أبي طالب على الكفر جلساء السوء. Regardez les chapitres, comment les titres qu'il leur a donné, qu'est-ce qu'il a pris comme preuve, hein? Pour attirer ton attention, qu'il faut t'éloigner du mal. Hein? Là, les causes qui ont fait qu'Abu Talib meurt dans la mécréance, ce sont les mauvais compagnons. Hein? Tous à tous ces titres qu'il a ramenés, en prenant comme preuve la parole d'Allah, l'authentique de la Sunna, c'est pour tout montrer que la situation est très dangereuse. Tu ne dois pas jouer avec ta religion. Tu ne dois pas jouer. Et on est à une époque, maintenant, où les ambiguïtés sont nombreuses, et beaucoup malheureusement parmi nous commencent à être laxistes. Hein? Et à baisser les bras. C'est sûr. La voie du plusieurs dans l'âme veut de toi des efforts. Ça ne vient pas comme ça. Il faut des efforts. Hein? Tu vas contre le courant. Les gens, la masse, va dans un sens et toi, tu vas dans le sens contraire. C'est normal. Chez toi, tu montres des doigts. Hein? Peut-être même ta femme pour certains. ta mère, ton père, tac, tac, etc. C'est normal. Mais il ne faut pas que tu faiblisses. Hein? Il ne faut pas que tu faiblisses si tu veux l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله شيخ حفظه الله تعالى ذو غمني حديث الإمام مسلم كالله سبحانه وتعالى لكم بلدوسة سنت مزورت كي دي إما يتيدي بخير من ابن يحيى التجيبي إنه زانونسي دو عبد الله بن وهب إلو غانونسي كلا انتندو كو يونس لو غانونسي لو غابورتون دو بن شهاب اي كو Saïd ibn Musayyib a annoncé à Shihab, il le tient directement de son père, qui dit, quand la mort, hein, l'agonie de la mort a commencé à atteindre Abu Talib, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir, il a trouvé chez lui qui? Deux têtes, parmi les fortes têtes de la mécréance. Abu Jahl, ou Abdullah ibn Abi, Umayyah ibn al-Mughira. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle, « Oh oncle, dis la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah. » Une parole que je prendrai comme témoignage pour toi, chez Allah subhanahu wa ta'ala. « Faqala Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib ?» Et regarde maintenant le mauvais compagnon, le compagnon du mal. Où est-ce qu'il va? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'appelle vers qu'il dise juste la ilaha illallah avant de mourir. Pourquoi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam prend cette parole comme témoignage pour intercéder pour son oncle et pour le sauver de l'enfer? Et regarde maintenant le mauvais compagnon qui se dit. Abu Jahl a dit, et Abdullah ibn Abi Umayya lui ont dit, ah bah Talib, tu vas te détourner de la religion de Abdul Muttalib? Hein? Tu vas te détourner de la religion de tes aïeuls? فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبان يقول لا إله إلا الله. Et رسول الله صلى الله عليه وسلم ne cessait de lui répéter cette phrase et de l'inviter à dire لا إله إلا الله. Les autres de l'autre côté, les mauvais compagnons, font de même aussi. Jusqu'à la fin, la dernière parole qui est sortie de la bouche d'Abu Talib, avant que mort s'en suive, il dit, sur la voix d'Abdul Muttalib. Et il a refusé de dire, la ilaha illallah. À cause de quoi? Le mauvais compagnon. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ها إيه الرسول صلى الله عليه وسلم دي par Allah je vais continuer à demander le pardon pour toi jusqu'à tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'interdit pas. Et il y a eu la révélation du verset qui est descendu sur le prophète. Il n'appartient au prophète et aux croyants et à ceux qui ont cru de demander le pardon pour les associateurs, même s'ils sont les plus proches, hein, après qu'ils aient l'éclaircissement, comme quoi la clarté, comme quoi ce sont des gens de l'enfer. D'où là, tu entends quand le pape est mort, hein, cette grande tête pensante de l'Ikhwan qui faisait dua pour lui. Hein? Qu'est-ce qu'il fait de ce verset? Sallallahu subhanahu wa ta'ala salamu ala abiyya. Wa anzalallahu ta'ala fi abi talibin فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أخرجه الإمام مسلم والإمام البخاري رحمه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى ذيسون concerne أبو طالب. L'autre verset s'adressant au prophète عليه الصلاة والسلام: Certes, tu ne guides pas qui tu veux. Tu ne guides pas ce que tu aimes, mais Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut, et c'est lui qui sait qu'ils vont être guidés. Hein? Tu ne guides pas ce que tu aimes. La guider, l'ouverture du cœur, il appartient à Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala tourne les cœurs comme il veut. Hein? Donc, ce chapitre aussi, le cheikh, il l'a ramené pourquoi? Pour que tu fasses attention. Qui est à ta droite, qui est à ta gauche? Hein? Parce que si tes intimes, ce sont les gens du mal, les gens de l'innovation, alors Allah le Musta'an. وهنا الباب الثالث عشر باب هجران أهل البدع وترك السلام عليهم. Et le 13e chapitre, mettre à la quarantaine et délaisser les gens de l'innovation et ne pas les saluer, ne pas leur dire salam. Hein? Qu'est-ce que t'as, Sénégalais? T'as peur? Hein? فالهجر إخوة الإسلام دواء فيحسن أن يستعمل الدواء لكي ينفع ويأتي بثمرته ولنا أسوة في نبينا صلى الله عليه وسلم وفي الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان له الدين. Le fait de mettre quelqu'un à la quarantaine, c'est un remède, c'est un médicament. Donc, il est bon pour qu'il ramène le fruit qui est demandé, il faut qu'il soit bien utilisé. Hein? Et nous avons le meilleur et le plus noble des exemples dans tout ça. Hein? Notre prophète alayhi salatu salam et ses nobles compagnons. Juste un truc à faire, une parenthèse à ouvrir. Quand vous êtes dans un milieu, et par exemple, hein, comme en ce moment sur Nice, Jamaat Tabligh qui s'accapare, etc. Vous faites très attention. Pour en ce qui concerne salam, si tu le rencontres dans la rue, pas de problème, tu lui dis pas salam, tu passes, et surtout quand il fait partie parmi ces têtes qui font la da'wa, etc. Mais fais très attention à un truc pour qu'il ne tourne pas la situation contre toi quand ils sont dans la mosquée assis avec les darons, ou là quand ils sont devant la mosquée, parce qu'ils jouent avec ça, quand ils sont devant la mosquée avec quelques personnes âgées, hein, ils parlent avec eux. Et après, ouais, il te dit salam alaikum. Fais attention. Parce que si tu ne lui réponds pas là, là, il y a un intérêt pour que tu donnes une bonne image de la voie sur laquelle tu es. Si toi, tu ne lui réponds pas, toi, tu vas passer. Lui, il se tourne vers les vieux qui sont là. Et vous avez vu, il dit salafi, il dit les compagnons, il dit la voie du puzzle. Vous avez vu, il ne m'a pas rendu salam parce que moi et vous, on est des mécréants pour lui. Fais très attention à ça. Andak, c'est des malins, c'est des rusés. Et tous les innovateurs ont ce genre de trucs. Parce que c'est des vipères. Comme l'a dit l'imam al-Barbahari, ils sont comme les scorpions, ils foncent leur corps dans le sable et ils sortent juste le dard. Et une fois qu'ils piquent, ils éjectent le venin, là, ils apparaissent. Hein? Andak. Fais très attention, il faut que tu sois aussi digne de la voix. La voix de Tipizel veut que tu sois éveillé devant tout ça. Il ne me fait pas tomber dans là où je ne suis pas. Il ne faut pas que je lui donne l'occasion qu'il donne aux personnes jasées, aux communs des musulmans qui ne comprennent pas. Il ne faut pas lui donner l'occasion qu'il ait une mauvaise image sur la voix du Tipizel d'Allah, etc. Hein? يقول الشيخ في الصحيحين أن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما تخلف عن غزوة تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة البخاري ومسلم. Et donc le cheikh de dire dans l'authentique de dans les authentiques, c'est-à-dire chez l'imam Bukhari et l'imam Muslim, Ka'b ibn Malik, qui faisait parmi ces trois qui se sont absentés de la bataille de Tabouk, Il a dit, quand ils se sont absentés de la bataille de Tabouk, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens de Médine de leur parler tous les trois. يقول حفظه الله وقد استدل العلماء بأدلة منها هذا الحديث على هجر أهل البدع وترك السلام عليهم فقد بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبته. Et les hommes de science ont pris comme preuve ce hadith. Le hadith de Ka'b ibn Malik. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de ne plus parler à ces trois. Et ce sont des nobles compagnons d'Allah alayhim. Hein? Et les hommes de science ont pris comme preuve ce hadith, comme quoi ça fait partie de la sunna de mettre à la quarantaine les gens de l'innovation et de ne pas les saluer. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il a ouvert un chapitre dans son authentique chapitre, hein, ceux qui ne font pas salam à ceux qui sont tombés dans un péché et qui ne rendront pas salam jusqu'à ce que leur repentir soit déclaré et quand est-ce que leur repentir devient clair. Ça, c'est la compréhension du puiseur d'Allah. Allez. قال الحافظ في شرح الترجمة. الحافظ بن حجر, dans l'interprétation juste du titre du chapitre, il a dit: أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا على المبتدع. Et الحافظ بن حجر, dans l'interprétation de ce titre, avec lequel il ouvre, l'imam Bukhari a ouvert ce chapitre, il dit, quant au jugement, au premier jugement dans le hadith, il a fait allusion à la différence qu'il y a dans cette situation-là. Il dit, mais Jumhur, la grande partie des hommes de science, sont sur la voie du fait qu'il ne faut pas le saluer. Il ne faut pas saluer ni le pervers, le désobéissant, ni l'innovateur. Il a un qal, wa qal al-muhallab, ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع وقال ابن رشدين قال مالك ولا يسلم على أهل الأهواء انتهى ملخصا. Et jusqu'à ce qu'il ait dit que le muhallab a dit le fait de délaisser salam et de ne pas saluer les gens de la désobéissance est une sunna courante. Et cette sunna, l'homme met en application, il la met en application, il la décrète, beaucoup d'hommes de science sur les gens de l'innovation. Il y a beaucoup d'hommes de science l'utilisent, pas tout simplement sur les désobéissants, mais sur aussi les gens de l'innovation. Et il a dit, Ibn Rushdin a dit, que Malik a dit, rahimahullah ta'ala, on ne salue pas les gens de l'innovation. Hein? Ça, c'est un résumé de la parole de Ibn Hajar que nous a rapporté Cheikh Abdullah ici. Wa qala al-hafidh aydan fi al-fath 'inda hadha al-hadith nafsihi wa qad istashkila kawn hujran al-fasiq aw al-mubtadi'u mashru'an wa la yushra'u hujran al-kafir wa huwa ashadd jurman minhuma li kawnihima min ahli at-tawhid fi al-jumla. Wa ajaba Ibn Battal بأن الله بأن لله أحكاما فيها مصالح للعباد وهو أعلم بشأنها وعليهم التسليم لأمره فيها فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل معناه. الحافظ dans son interprétation de Sahih al-Bukhari, il a dit aussi concernant ce hadith, il y a une problématique qui découle dans le fait de mettre à la quarantaine, de ne pas parler aux désobéissants et à l'innovateur, et comme quoi c'est légiféré, pourquoi c'est pas légiféré à agir de même pour le mécréant, alors qu'il est dans le crime pire que les innovateurs, hein, et que les désobéissants qui font partie des gens du monothéisme en général. C'est une énorme ambiguïté que tu entends, non, hein? Écoute maintenant la clairvoyance des hommes de science. Ibn Battal a répondu à ça. Il a dit, Allah, dans ses ahkam, dans ses jugements, il y a des intérêts pour les serviteurs. Et c'est Allah qui sait qu'est-ce qui convient aux gens et qu'est-ce qui ne leur convient pas. Donc notre devoir devant les jugements d'Allah, c'est de se soumettre à ses ordres. Et il a dit que ça, c'est une forme d'adoration, même si on ne comprend pas son sens. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم عند قول كعب بن مالك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة وفي هذا الحديث هجران أهل البدع. الإمام النووي رحمه الله عليه dans l'interprétation de l'authentique du Muslim, au moment où concernant la parole de كعب بن مالك, quand il a dit « Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens de nous parler à nous autres les trois », il a dit « Il y a dans ce hadith le fait de délaisser, de mettre à la quarantaine les gens de l'innovation. » « Wa qala aydan, inda dhikrihi fawaid al-hadith, wa fihi istihbabu hujrani ahli al-bid'a, wal ma'asi al-dahira, wa tarku al-salami alayhim, wa muqata'atihim tahqiran lahum wa zajra. » Et il a dit aussi, dans les points à retenir du hadith qu'il a cité, il y a dans ce hadith le fait qu'il est préférable de délaisser, de mettre à la quarantaine les gens de l'innovation et de la désobéissance, ceux qui sont dans une innovation et dans une désobéissance claire, et de ne pas les saluer et de couper avec eux pour les rabaisser, hein, et pour les réprimander, pour leur donner la leçon. وقال الخطابي في معالم السنن وفي أي الحديث إن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب إلى أن قال فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على ممر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق انتهى كلام الخطابي رحمه الله تعالى. Il khattab idom alim sunan, il dit concernant ce hadith, il y a dans ce hadith le fait que l'interdiction de mettre quelqu'un à l'amende, de ne pas lui parler, de le mettre à la quarantaine, entre les musulmans, au-delà de 3 jours, ça ne concerne quand il y a un problème entre eux. Ils n'ont pas le droit de se mettre à la quarantaine au-delà de 3 jours. Hein? Il dit, jusqu'à ce qu'il ait dit, mais le fait de mettre à la quarantaine et de couper avec les gens de l'innovation, ceci est une sunna qui est constante, qui ne s'arrête pas à travers les temps et à travers les siècles, etc. Tant que n'apparaît pas, que n'a pas apparu le repentir de ceux de l'innovation qu'ils ne sont pas revenus de leur innovation sur la vérité. Je vois les regards. Dire, mais c'est dur la voix du Shalef. Il y a dans ça le fait que tu te préserves. Il y a dans ça le fait que tu te préserves. Toi, en mettant quelqu'un à la quarantaine, toi tu te préserves. Pour ne pas gober ses choubouhettes. Hein? Pour ne pas attraper ses mauvaises idées. Et pour qu'ils ne t'induisent pas à l'erreur. وقال الإمام النووي أيضا وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم كما قال جماعة من أهل العلم واحتج البخاري ذلك بقصة كعب بن مالك انتهى كلامه رحمه الله. الإمام السيادي الإمام النووي رحمه الله عليه دي كونت لنوفاتور celui qui est tombé dans un énorme péché tant qu'il ne se repente pas on ne le salue pas. On ne leur dit pas salam. Et on ne leur rend pas salam. Comme on dit un certain nombre d'hommes de science. Et le Bukhari, rahimahullah, a pris comme preuve pour cela le hadith de Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu wa arda. وقد تعقبه الحافظ فقال والتقييد بمن لم يتب جيد ولكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب النظر فإنه ندم على ما صدر منه وتاب ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته انتهى كلامه رحمه الله. Et الحافظ بن حجر en interprétant صحيح البخاري il a eu un commentaire sur ce qu'a dit le Bukhari. Il a dit le fait de conditionner, le fait de délaisser à la quarantaine celui qui le désobéissant et l'innovateur et de le conditionner par le fait jusqu'à ce qu'il se repente, ceci est très bien. Mais le fait de prendre comme preuve là, l'histoire de Ka'b, là il y a à voir là-dedans. Parce que Ka'b a regretté et s'est repenti. Mais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a retardé le fait de parler à Ka'b et aux deux autres compagnons jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur repentir. Yaqul le Cheikh Hafidhahullah, Cheikh Abdallah Soumali, wa ta'aqqub al-hafid innama huwa ala Sidlal al-Nawawi رحمه الله على التقييد بقصة كعب لأن الحديث دليل على هجران أهل البدع وترك السلام عليهم فقد بين الحافظ نفسه أن الحديث دليل على ما ذكر وهذا ليس ببعيد منك فتنبه il dit حفظه الله تعالى le fait que ابن حجر رحمه الله تعالى a fait un commentaire il a fait tout simplement ce commentaire sur le fait de la mise de cette épreuve par Nawawi rahmatullah alayh sur la condition en ramenant cette condition jusqu'à ce qu'il se repente. Alors que le hadith est une preuve, le hadith en lui-même est une preuve du fait de délaisser, de mettre de côté les gens de l'innovation, de ne pas leur faire salam, et le hafid lui-même a nous a montré tout sous ça. Et il l'a prouvé aussi. Et il dit, et ça, c'est quelque chose de très fort chez les gens de science. Il t'attire l'attention sur un petit point comme il a fait le Hafid ici. Et ça, c'est normal. Un homme comme le Hafid, rahimahullah ta'ala, avec la clairvoyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, il arrive à attirer l'attention sur des points qui sont très, très importants, comme il l'a fait ici. يقول حفظه الله في الصحيحين عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن المغفل خذف فقال فنهاه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخدف لا أكلمك أبدا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم dans les authentiques c'est-à-dire chez l'imam Bukhari et l'imam Muslim de Saïd ibn Jubayr l'un des proches d'Abdullah ibn Mughaffal qui est un compagnon jetait des pierres Et Abdullah ibn Mughaffal lui a dit ne le fais pas. Il lui a interdit de le faire. Et il lui a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de lancer les pierres. Alors parce que tu ne peux pas chasser avec. Et il ne peut pas tuer l'ennemi. Mais tout simplement ce qu'il fait, il casse les dents et il éclate les yeux. Et ce proche d'Abdullah ibn Mughaffal une deuxième fois, il lui a interdit une fois, et une deuxième fois, il l'a vu faire, relancer avec les pierres. Il lui a dit, je t'ai dit de ne pas le faire, et je t'ai dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'agir ainsi, et tu le refais. Je ne te parlerai plus jamais. Il est dur ce compagnon? L'akhir. Tu as une parole du prophète alayhi wa sallam, tu lui donnes le dos, qu'est-ce que tu veux? وقال النووي رحمه الله للحديث فيه أجران أهل البدع والفسوق ومنابد السنة مع العلم وأنه يجوز هجرانه دائما والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه أو وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائم وهذا الحديث مما يؤيده مع نظيره كحديث كعب بن مالك وغيره انتهى كلامه رحمه الله النووي de nous dire dans ce hadith il y a le fait il prouve comme quoi il faut délaisser et s'éloigner des gens de l'innovation et de la perversité et ceux qui ne donnent pas d'importance à la sunna surtout en ayant la science parce que هذا qui il a pu parler Abdullah Mughaffal ibn Mughaffal il sait il lui a ramené et donc il sait Il dit dans ce cas-là, Le fait de le mettre à la quarantaine de décès, c'est constamment. Et le fait, l'interdiction qu'il y a dans le fait de ne pas délaisser quelqu'un pendant plus de 3 jours, c'est concerne quand il y a un problème de ce bas monde avec la personne. Mais en ce qui concerne les gens de l'innovation, et ceux qui sont sur le même chemin qu'eux, le fait de les mettre à la quarantaine, c'est toujours. Et ce hadith prouve ceci, ainsi que le hadith de Ka'b ibn Malik et d'autres hadiths qui vont dans ce sens-là. وقال الحافظ في الفتح عند الحديث وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ولا يدخل في ذلك النهي عن الهجران فوق 3 أيام فإنه يتعلق لمن هجر لحد نفسه وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأداب انتهى كلامه رحمه الله الحافظ دول الفتح ينص حديث aussi يا qu'il est permis de mettre quelqu'un à la quarantaine, de le laisser de côté, de ne plus lui parler. Il dit, il ne rentre pas dedans l'interdiction du fait de ne pas parler à quelqu'un plus de 3 jours. Parce que ceci, ça ne concerne que quand tu as un problème personnel, ou quand toi tu l'as, genre pour quelque chose en toi, tu lui reproches quelque chose qui n'est pas du domaine de la religion. Et il dit qu'il va détailler la situation dans le livre du comportement, dans l'interprétation de صحيح البخاري قال القاضي عياض عند الحديث فيه هجران من خالف السنن على علم وتأديب أهل المعاصي بالهجران القاضي عياض ce hadith là il a dit dans ce hadith il y a le fait de mettre de côté ceux qui sont en divergence avec la sunna en ayant la science de cette sunna et aussi le fait de donner la correction aux gens des innovations par en les mettant à la quarantaine. Il en sort quoi maintenant? Le commun qui ne sait pas, tu ne vas pas le mettre à la quarantaine. Il faut que tu lui apprennes. Il faut que tu aies le bagage adéquat pour lui apprendre, pour lui amener la chose à son niveau. Et que tu aies la science de la chose que tu veux lui montrer. Hein? Et lui attirer l'attention pour qu'il ne soit pas en divergence avec le prophète. Tu ne vas pas le mettre à la quarantaine comme ça. Là, il faut que le commun qui ne sait pas et l'ignorant, que tu lui apprends avant. Parce que peut-être, et beaucoup d'ignorants, quand tu leur apprends, tu leur désorientes, ils prennent et ils reviennent. Et ils te disent Barakallahu fik. يقول الشيخ حفظه الله وقد ألف الأخ خالد بن ضحوي الظفيري كتابا سماه إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء فأتى بما لا مزيد عليه من أقوال العلماء في مشروعية هجران أهل البدع والتحذير منهم لكن لما كان قصد الأخ حفظه الله نقل إجماع العلماء في المسألة استحب شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ذكر أدلة ذلك من الكتاب والسنة فذكرت ما يتسر لي من ذلك مع ما تيسر من نقل شروح أهل العلم عليها il dit حفظه الله تعالى tire attention sur une risala qui est très importante qui a été écrite il y a quelques années en arrière par celui qui est le responsable de Sahab Khalid ibn Dahoud Dufayri. Et son livre qu'il a écrit, qui est un très bon livre à ce sujet-là, le consensus des hommes de science sur le fait de mettre à la quarantaine et d'avertir contre les gens de l'innovation. Et il a ramené les paroles des hommes de science, les anciens, les contemporains, etc. Quelqu'un qui le lit n'a pas besoin d'autre chose. La situation devient claire. Comme quoi qu'il est légiféré de mettre à la quarantaine les gens de l'innovation et d'avertir contre eux et de s'éloigner d'eux. Mais comme Cheikh il dit ici, et comme le but du frère Fahir et Havidallah, c'est tout simplement ramener le consensus des hommes de science à ce sujet-là, notre cher a préféré, c'est-à-dire Cheikh Yahya ibn Ali al-Hajri, a préféré ramener les preuves du livre d'Allah et de l'authentique de la Sunna, c'est pour ça, des chers, que j'ai cité ce que j'ai pu comme preuve du livre d'Allah et de l'authentique de la Sunna, avec, en ramenant aussi, l'interprétation des hommes de science là-dessus. يقول حفظه الله وهذا أمر مهم لمن ألقى السمع وهو بصير. Il dit حفظه الله, ceci est très important, quelqu'un qui ouvre son cœur et qui est éveillé. Et qui veut être sauvé. Il dit, wa'lam أن دليلا واحدا من الكتاب أو من السنة يكفي في تحريم المسألة التي نحن في صددها، وهي تحريم الدراسة عند أهل الأهواء. Et il dit, حفظه الله تعالى. Et ceci est très important. Sache qu'une seule preuve qui vient du livre d'Allah et de la sunna du prophète Hassan est suffisante. Une seule preuve est suffisante pour prouver qu'il est interdit d'étudier chez les gens de l'innovation. يقول وإنما نحشد الأدلة سواء في هذا الباب أو في الأبواب التي قبله أو التي ستأتي بعد من باب ليطمئن قلبي وليكون هذا البحث كافيا لمن أراد تحرير القول في المسألة من غير رجوع إلى الكتب المطولة والله أعلم. Il dit, mais nous ramenons les preuves, que ce soit à ce chapitre-là et à ce niveau-là, que ce soit à ce niveau de ce chapitre ou les chapitres qui vont suivre, nous ramenons les preuves. Hein? Il a dit pour que tout simplement il y ait plus de quiétude, on a plus d'apaisement au niveau de son cœur. Il dit pour que cette recherche soit suffisante pour celui qui veut le détail à ce niveau-là et à ce sujet-là, pour ne pas aller dans les grands livres et les livres dans lesquels le sujet est traité longuement. Il dit Hafidhahullah Ta'ala, Al-Bab Talit Ashar, Tarku Salati ala Ahli Al-Bida'. Et le 13e chapitre, délaisser la prière sur les gens de l'innovation. Le 14e chapitre, ne pas prier sur les gens de l'innovation. Dur, hein? Sachez que certains de nous puisaient le parmi les grands imams de cette communauté pour attirer l'attention, pour que les gens fassent attention et qu'ils ne tombent pas dans l'innovation de celui qu'ils vont enterrer. Il va avec le cortège et au moment où ils vont prier sur l'autre cortège, il est devant et il sort pour que tout le monde le voit sortir, il ne prie pas sur lui. Pourquoi ? Pour attirer l'attention aux gens qui sont là, que ce qu'il faisait est mauvais. Et qu'il ne faut pas prendre sa voix, ni ses croyances, ni ses tendances, etc. etc. Et ils n'étaient pas durs, rahimahullah ta'ala. Au contraire, ils voulaient le bien de leurs contemporains. Ils conseillaient pour Allah. Il conseillait pour la religion d'Allah, il conseillait pour la sunna du prophète, il conseillait les musulmans pour qu'ils ne tombent pas dans le filet de l'égarement. يقول الشيخ قال الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Il ramène le premier verset. Ne prie pas sur quelqu'un parmi eux quand il meurt. Jamais. Et ne va pas sur sa tombe. Car ils ont mécru en Allah ou son messager, ils sont morts en étant pervers, en étant désobéissants à Allah Azza wa Jal. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر كانوا أو صالحين وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا والحمد لله واتفق العلماء على ذلك إلا في الشهيد كما تقدم وإلا في أهل البدع. القرطبي رحمه الله تعالى dans son exégète concernant ce verset, il dit « Les musulmans sont unanimes sur le fait qu'il n'est pas permis de délaisser la prière sur un musulman, qu'il soit un musulman qui était dans les péchés capitaux ou un vertueux. Ils ont hérité ça de leur prophète alayhi salatu wasalam. Et c'est la voie sur laquelle était l'unanimité des hommes de science, que ce soit au niveau de la parole ou au niveau des actes. » Il a dit, mais les hommes de science sont sur l'unanimité, sont d'accord qu'ils ne prient pas sur le martyr et sur les gens de l'innovation. Ils ne prient pas sur qui ? Sur le martyr et sur les gens de l'innovation. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. Et dans l'authentique du muslim, de Jabir ibn Samura, il dit qu'on a ramené un homme qui s'est tué par un couteau, par un fer, etc. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié sur lui. يقول الشيخ هذا في حق من ارتكب معصية من المعاصي دون الشرك والبدع فما بال من يحدث في دين الله وشرعه ما ليس منه من بدع وأهواء ما أنزل الله بها من سلطان. فلا شك أن ترك الصلاة عليه أولى من ترك الصلاة على مرتكب مجرد المعصية. الشيخ عبد الله الصومالي دي دير سا concernant quelqu'un qui est tombé dans une désobéissance qui n'est pas ni du domaine de l'associationnisme ni du domaine de l'innovation. Et qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un qui innove dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui les fait faire dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui ne fait pas des innovations et des choses sur lesquelles il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucun doute que le fait de délaisser la prière sur ce genre de personnes, c'est à mettre en application en priorité. Hein? Plus que de le mettre en application contre quelqu'un qui est dans la désobéissance. Ça, ce sont les actes d'Yel Salaf. Pourquoi? Pour réprimander les autres. Et pour attirer l'attention des autres comme quoi l'innovation est très dangereuse. L'innovation est très dangereuse. Hein? Il détruit la religion de la personne. وجاء في مسند أحمد وسنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه كما في تعليقاته على المشكات وغيره. Et dans le Musnad de l'imam Ahmed, et dans les Sunan d'Abi Daoud, le hadith d'Ibn Omar, le rapport du Prophète, qu'il a dit que le Qadariya, Rasulullah a dit que Qadariya, ce sont les Zoroastriens de cette communauté. Qadariya, ceux qui disent que le destin n'existe pas, que Allah ne sait pas ce que font les serviteurs avant que les serviteurs ne le fassent. L'aïdan billah. Et ça, c'est les Zoroastriens de cette communauté. S'ils tombent malades, n'allez pas leur rendre visite. Et s'ils meurent, n'allez pas avec leur cortège. Et Cheikh l'Albani, rahmatullah, dans le Mishkat, a rendu bon ce hadith, comme d'autres imams de la Sunna. Qala Abu al-Hassan, Ubaydillah, ibn Muhammad, ابن عبد السلام المبارك فوري رحمه الله تعالى في شرح مشكات المصابح عند قوله وإن ماتوا فلا تشهدوهم أي لا تشهدوا جنائزهم ولا تصلوا عليهم لاستلزام ذلك الدعاء لهم بالصحة قيل هو محمول على الزجر والتنفير عن اعتقادهم على قول من لم يحكم بكفرهم وعلى الحقيقة على قول من حكم بكفرهم إذ الفاسق لا منع ولا كراهية في شهود جنازته انتهى أفاده أخونا جميل صلوي. يقول الشيخ que الشيخ de nous dire de nous rapporter des paroles de Mubarak Fouri هذا أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن عبد السلام المبارك فوري dans son interprétation qu'il a fait de Mishkat al-Masabih au moment où il arrivait quand il meurt n'allez pas avec leur cortège ne suivez pas là leur cortège funéraire et n'assistez ça veut dire n'assistez pas ni à leur cortège funéraire, ni ne prier sur eux. Parce que là, ça implique de leur faire dua. Hein? Et il dit, cela est porté sur le fait de réprimander et d'attirer l'attention sur le danger qu'il y a dans leurs croyances ou de leurs paroles. Ça, c'est selon ceux qui ne les rendent pas mécréants. Mais ceux qui les rendent mécréants, hein? Ça veut dire qu'ils ne vont pas prier sur eux parce que c'est un mécréant. C'est-à-dire que n'assistez pas à leur cortège funéraire, etc. Ne priez pas sur eux. Hada, il dit, selon la voix de ceux qui ne les rendent pas mécréants, mais ceux qui les rendent mécréants. Hada, à la base, ils ne vont pas prier sur un mécréant. Il dit parce que le pervers, en général, il n'y a pas. On peut prier sur lui. On peut aller assister à son cortège funéraire. Et celui, il le rapporte de Jamil Salwi. C'est-à-dire, le Mubarak Fouri, il le rapporte de celui qu'il appelle son frère Jamil Salwi, rahimahullah ta'ala. Al-Bab, 15. باب بيان أن من جلس في مجالس أهل البدع قد يصيبه مثل ما يصيبه من العقاب. Chapitre le 15e. Que celui qui s'assoit dans une assise d'innovateurs et des gens de l'innovation, il va lui arriver le même châtiment qui leur arrive. Hein? Ces châtiments, on les atteint, ben il sera avec eux. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Il est dit dans le verset, hein? Préservez-vous d'une fitna qui ne va pas arriver à ceux qui ont été injustes parmi vous tout simplement. Il chasse que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est dur. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Et dans les authentiques, chez l'imam Bukhari, l'imam muslim, Aisha radhiyallahu anha, a dit, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une armée qui va venir pour envahir la Mecque. Et quand ils seront sur une terre, dans un désert, ils vont être engloutis, du premier au dernier, engloutis dans la terre. Il dit, ya Rasulallah, comment ils vont être engloutis du début jusqu'au dernier, alors que parmi eux, il y a des commerçants, il y a des gens qui ne font pas partie d'eux, qui ne sont pas comme eux. Il lui a dit, ils vont être engloutis du début jusqu'au dernier, et le jour de la résurrection, chacun sera ressuscité selon son intention. Pourquoi il a ramené ce hadith ici? Si tu es dans une assise de gens qui font le mal, de gens dans l'innovation, quand il leur arrive la catastrophe, tu es dedans. Il te touche aussi. وعن أم حبيبة زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد سفيان بيدي عشرة قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Et chez l'imam al-Bukhari, imam muslim, rahimahullah ta'ala, le hadith de Umm Habiba, la mère des croyants, Zainab bint Jahsh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est levé une nuit de son sommeil, il a dit, malheur aux Arabes, d'un mal qui approche, ici ouvert, hein, un peu de la muraille de Gog et Magog. Hein, et Soufiane a fait comme ça avec ses mains, avec ses dix doigts. Il a souvent un trou comme ça. Il a dit, Umm Habiba a dit à Rasulallah, comment on va périr alors que parmi nous il y a les vertueux? Il a dit, quand les impuretés seront nombreuses, ça arrive. Certes, quand les impuretés seront nombreuses. Il fait partie des choses impures, c'est de faire n'importe quoi dans la religion d'Allah, d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de dire n'importe quoi dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. À tel point que Allah subhanahu wa ta'ala a mis un pied d'égalité de parler sur Allah et de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais au même pied d'égalité que l'associationnisme. Quand il a cité dans un verset ce qui est blâmable, il a cité le moins. Et il a commencé à augmenter au pire, au pire, au pire. Après, il a mis à pied d'égalité le fait de dire n'importe quoi dans sur Allah et dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à même pied d'égalité que l'associationnisme. Wa an ibn Umar, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la tadkhulu masakin alladhina zalamu illa an takunu bakin an yusibakum mithla ma asabahum. Al-Bukhari wa Muslim. Et ibn Umar a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, n'allez pas vers les demeures de ceux qui étaient injustes, sauf en pleurant pour qu'il ne vous arrive pas ce qu'il vous leur est arrivé. Hein? Tu vois maintenant les gens, eux, ils vont faire du tourisme à côté des pyramides, ils vont dans les fouilles des pharaons, etc. Oui, il arrive, oh, c'est beau, t'as vu cette peinture, il a traversé les siècles, etc. Subhanallah! Ton prophète, il a dit, tu ne vas pas dans les lieux de ceux qui étaient injustes qu'en pleurant pour qu'il ne t'arrive pas ce qui leur est arrivé. Hein? وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. إيه أبو هريرة بن نذير رضي الله عنه وارضاه الرسول صلى الله عليه وسلم il a des anges qui errent sur terre. Et quand il voit des assises du rappel, pas des assises du dhikr, comme l'entend Sophia ou Issa plus qu'ils disent, ils commencent par Allah, Allah après ho ho ho ho ho, ho. Tu sais plus si c'est un chien ou un animal, c'est plus qu'il dit. C'est plus. Ho ho ho ho ho. Ah, c'est une radi. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala salam wa l'afia. Là, c'est pas ça qui. C'est-à-dire les assises du. Tu rappelles les assises dans lesquelles il y a Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit, hada. Et quand les anges trouvent ce genre d'assises, ils s'appellent les uns les autres, venez, venez mettre votre besoin. Votre besoin, il est là. Regarde. Qal fayahuffunahum bi ajnihatim ila samai dunya. Et il a dit, et les anges, quand ils arrivent à cette assise, ils les entourent avec leurs ailes jusqu'à arriver au ciel de ce bas monde. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ماذا يقول عبادي. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala sait. Il demande aux anges, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils disent, mes serviteurs? قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. Et les anges lui disent, ben ils te glorifient Allah. Hein? Ils te louent ya Allah. Ils te vénèrent ya Allah. Et il dit, قال فيقول هل رأوني قال فيقول لا. Et Allah subhanahu wa ta'ala pose la question, est-ce qu'ils m'ont vu? Et les anges lui disent, non ya Allah, ils ne t'ont pas vu. والله ما رأوك قال فيقول وكيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. Par Allah, ils ne t'ont pas vu. Mais s'ils t'avaient vu, ils auraient été encore plus dans ton adoration. Et plus à te vénérer plus et à te louer plus. قال يقول فما يسألوني. Et Allah leur dit, qu'est-ce qu'ils me demandent? قالوا يسألونك الجنة. Et ils demandent, hein? Ils te demandent le paradis. Ils te demandent le paradis. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. Et il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux anges, il sait, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges, est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce qu'ils ont vu ce paradis qu'ils demandent? Là, par Allah, ils ne l'ont pas vu. قال يقول فكيف لو انهم راوها اي كومون سسخسي الا في فيو دي الله عز وجل قال يقولون لو انهم راوها كانوا اشد عليها حرصا واشد لها طلبا واعظم فيها رغبه ici il l'avait vu Allah subhanahu wa ta'ala pose la question est-ce que ici hein les anges lui disent s'il l'avait vu il tiendrait encore plus à demander ce paradis et à œuvrer pour aller à ce paradis قال فمما يتعودون et de quoi ils demandent refuge de quoi ils veulent se protéger de quoi ils demandent la protection de quoi قال يقولون من النار ils demandent d'être protégés du feu de l'enfer d'être épargnés du feu de l'enfer قال يقول وهل رأوها est-ce qu'ils l'ont vu les anges disent قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها et les anges disent non par Allah ils l'ont pas vu قال يقول فكيف لو رأوها اي كومون سسخسي الا في في قال يقولون لو رأوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافه اي les anges disent s'ils l'avaient vu ils auraient encore plus peur de l'enfer ils seraient encore plus sauvés du feu de l'enfer فيقول عز وجل فاشهدكم اني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم البخاري ومسلم. Et Allah il dit aux anges, je vous prends comme témoin que je leur ai pardonné. Il y a un des anges, il dit, Ya Allah, telle personne ne fait pas partie d'eux, il est venu juste pour quelque chose. Il a dit, si la compagnie ou celui qui vient vers eux ou qui est avec eux ne sera pas attristé. Et dans la compréhension contraire du texte, si tu es avec les gens de l'innovation et les gens du mal, la même chose. Si tu as le bien avec les gens du bien, ben avec les gens du mal, la même chose que. Hein? فالحديث يدل أخ الإسلام على أن من جالس أهل الخير قد يناله من الأجر والثواب مثل ما ينالهم. Le hadith, frère en Allah, Azza wa Jal, prouve que celui qui s'assoit et qui est en compagnie des gens du bien, il va, quand il leur arrivera un bien, une récompense min Allah, bah, il aura la même chose qu'eux. Ça va l'atteindre aussi. ومفهومه يدل على أن من جالس أهل الشر قد يناله مثل ما ينالهم من العقاب وإن لم يكن منهم والله أعلم. Et il prouve aussi que celui qui s'assoit avec les gens du mal, quoi que plus, qu'est-ce qu'il y a de plus grand mal que de s'asseoir avec les innovateurs ou d'apprendre chez les innovateurs ou de grandir le cercle des innovateurs? C'est énorme. Et donc celui qui s'assoit avec les gens du mal, il va lui arriver ce qu'il leur arrive comme châtiment s'il leur arrive un châtiment à ce moment-là. يقول ومن هذا الباب جحود النبي صلى الله عليه وسلم أن تصاحبه ناقة ملعونة. ثبت في صحيح مسلم عن أبي برزة الأسلمي قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجمل فقالت حل اللهم لعنها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها نعلة. رواه الإمام مسلم. هذا حيوان أخ الإسلام. فهذه الناقة لما وقعت عليها اللعنة كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تصاحبه في الطريق لكونها ملعونة. أن الله عز وجل إي السني ولا وسي الرسول صلى الله عليه وسلم أغفزي كل سوى دون سان كومباني إن شمال كي أغسي لمالديكسيون كون يكون فرمي دون أوتنتيك دو مسلم الحديث دبي برزة الأسلامي إلى دي. Alors qu'une petite fillette sur une chamelle, et sur la chamelle, il y a les provisions et les affaires des gens de la caravane. Et cette fillette a vu le prophète alayhi salam. Et le chemin commence à être serré un petit peu au pied de la montagne. Et la fille a dit, a donné l'ordre à la chamelle de se poser. Mais il a dit, pose-toi que là, te maudisse. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne sera pas dans notre compagnie une chamelle qui a reçu la malédiction. N'ira pas avec nous, ne sera pas dans notre compagnie une chamelle qui a reçu la malédiction. Cette chamelle, dit Cheikh, il a reçu la malédiction. Rasoul a détesté qu'il soit en sa compagnie et qu'il soit sur le même chemin avec eux. Hein? Fais très attention à l'islam, hein, avec qui tu es, les assises des gens de l'innovation, etc. Hein? Alors c'est pire. وَقَدْ أَخْرَجَ بْنُ أَبِي حَاتِمْ وَبْنُ جَرِيرٍ وَبْنُ بَطَّ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسٍ عن العلاء بن منهال عن هشام بن عروة أن عروة بن عبد العزيز أخذ قوما يشربون الخمر فضربهم ومنهم رجل صالح فقيل إنه صائم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم وهذا أثر صحيح. إيه بن أبي حاتم ainsi que Ibn Jarir Tabari, Ibn Batta, et Kulluhum, tous le rapport de Abdullah ibn Idris, de l'Ala ibn Minhal, de Hisham ibn Urwa, de Urwa qu'Omar ibn Abdul Aziz, après les gens qui vivaient de l'alcool, il leur a donné les coups de fouet. Et on lui a dit, il y a un homme vertueux avec eux qui est en jeûne. Et il leur a cité le verset. Ne restez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Vous êtes comme eux. Et si vous restez avec eux, vous êtes comme eux. Il y a 11 jeunes, lui. Il a reçu Tréha aussi. Parce qu'il est resté avec eux. Hein? Et ça, c'est un attar, c'est une preuve qui est authentique. يقول الشيخ رجاله أئمة معروفون غير العلاء بن منهال وقد قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل العلاء بن منهال غنوي سمع عاصم بن كليب وهشام بن عروة مهند القيسي روى عنه ابن إدريس وأبو أسامة وزيد بن الحباب وابنه قطب بن العلاء وأحمد بن عبد الله بن يونس سمعت أبي يقول ذلك وقال أبو زرع العلاء بن منهال والد قطبة ثقة. Et donc cette preuve, elle est authentique. Et les hommes de cette preuve, ce ne sont que des imams qui sont connus, sauf l'Ala ibn Minhal qui n'est pas connu. Et Ibn Abi Hatim, dans son livre La Réfutation et l'Éloge, a dit que l'Ala ibn Minhal, il s'appelle Ghanawi, il a entendu de Asim ibn Kulayb, il a entendu aussi de Hisham ibn Urwa et de Muhannad al-Qawsi, et il a transmis d'Ibn Idris, et d'Abu Usama, et de Zayd ibn al-Habbab, et son fils, c'est Qutb ibn al-Ala, et Ahmed ibn Abdillah ibn Yunus. Il dit, j'ai entendu mon père dire que Abu Zar'a Hada, l'Ala ibn Minhal, c'est le père de Qutb, il est digne de confiance, il est tiqa. Inta kalamuhu rahimah Allah. C'est qui là ? باب بيان أن المرأة على دين خليله. وهذا الباب سابع عشر. سادس عشر. هم شو وش معنا ولا ما معنا؟ والله أنت بسي وزيت لا ولا وزيت بارتي ديجا. Chapitre 16. Quoi, l'être humain, il est sur la religion de son intime. Regarde ton intime, qu'est-ce qu'il est? C'est ton intime. Dis qui tu es. Si maintenant tu prétends la sunna et tes intimes sont d'établir, tu ne l'es pas. Si tu prétends la sunna et tes intimes c'est des ahbaj, tu ne l'es pas. Si tu prétends la sunna et tes intimes c'est des khawarij, tu ne l'es pas. Ton intime avec lequel tu es tout le temps. Hein? Qui rentre chez toi, il va chez toi, tu es tout le temps avec. Hein, dans ton intime. Un des grands imams est arrivé dans une ville. Et on posait la question sur lui. Et un autre imam a dit, c'est simple. Dites-moi qui est ici, chez qui il va, c'est qui son intime ici. Ils lui ont dit, il sort avec tel, il va avec tel, il habite chez tel, etc. Il a dit, il est comme lui, c'est un qadari. Ne vous faites pas avoir, il est comme lui. Allah al-Musta'an. Comment les hommes de science et ceux qui sont doués de science, comment les repères sont très simples. La science du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna te donne les repères. Tu ne te fais pas avoir. Hein? C'est pour ça qu'il est de ton devoir, hein, d'aller chercher cette science et ceux qui sont dignes, hein, et d'aller apprendre, hein, d'aller chez les hommes de science, d'immigrer pour cette science, soit vers le Yaman ou là, d'aller à l'université à Médine ou ailleurs, et d'aller chercher cette science. Hein? Parce que sans ça, tu n'auras pas les repères à l'islam. Tu ne les auras pas. عن أبي موسى قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Et le premier hadith qui cite ici dit que Abi Moussa, c'est un hadith de l'Imam Bukhari ou l'Imam Muslim, on a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'homme il aime certaines personnes, mais il n'est pas du même degré qu'eux. Il ne leur arrive pas à la cheville, par exemple. Ils sont plus forts que lui, ils ont plus de science de lui, ils sont plus vertueux que lui, par exemple. Il a dit, l'être humain sera avec ceux qu'il aime. Tu aimes les gens de la sunna, tu aimes les gens de la bid'a, ça sera avec eux. Hein? Tu aimes les pervers, c'est la même chose. وجاء نحوه عن أنس وابن مسعود في الصحيحين وفي خارجهما. Il nous a été rapporté aussi d'Anas et d'Ibn Mas'ud dans les authentiques et en dehors des authentiques. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود وأحمد والترمذي والبيهقي في شعب الإيمان. Et il nous est rapporté par Abu Daoud, par Tirmidhi, par l'imam Ahmed, par le Bayhaqi, les branches de la foi. Abu Huraira a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme il est sur la religion de son intime, que chacun de vous regarde qui est son intime. Tu vois deux, les grands imams ont tiré, dis-moi qui est son intime, je te dirai qui il est. De là où il est, ils ont tiré directement de la parole du prophète alayhi wa sallam. Regarde ton intime qui il est, sur qui il voit il est, il respecte la sunna, il est sur la sunna, il respecte salaf radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Et si il est tout à fait le contraire, tu dois te poser des questions à l'islam. Hein? Tu dois sauver ta religion. Wa an Abi Sa'id an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. رواه أبو داود والترمذي. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أدي dans ce qui est rapporté par l'imam Abu Daoud et que et Tirmidhi aussi que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit que ne soit que dans les compagnies des croyants et que ne mange ta nourriture que ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada, ce sont des orientations de qui? De celui qui ne parle pas de ses propres passions, qui est le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui t'oriente dans cette direction là. Hein? فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم في ديننا وجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا.